Crois-moi ma belle, ton mec vaut pas un. Je crois que c'est mort, je l'ai vu passer dans son panamera. En bas de mon bloc, il était pas seul et je crois pas que c'était sa sœur. Putain de merde, on s'en fout de tes jupons, c'est qu'un coureur. Car c'est la merde, c'est la merde, et c'est tout le temps la même. À chaque fois que t'as un cum, il faut que tu le présentes à ta mère. C'est la merde, et c'est tout le temps la même.